Psaume 95. Venez, chantons à l'Éternel, jetons des cris de réjouissance au rocher de notre salut. Allons au-devant de lui, en lui présentant nos louanges, et jetons devant lui des cris de réjouissance en chantant des psaumes. Car l'Éternel est un Dieu fort et grand, et il est un grand roi par-dessus tous les dieux. Les lieux les plus profonds de la terre sont en sa main, et les sommets des montagnes sont à lui. C'est à lui qu'appartient la mer, car lui-même l'a faite, et ses mains ont formé le sec. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, et mettons-nous à genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de sa pâture, et les brebis de sa conduite. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez point votre cœur, comme en Meriba, et comme à la journée de Massa, au désert. Là où vos pères m'ont tenté et éprouvé, et aussi ont-ils vu mes œuvres. J'ai été ennuyé de cette génération durant 40 ans, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, et ils n'ont point connu mes voies. C'est pourquoi j'ai juré en ma colère, s'ils entrent dans mon repos,